que je me défoule de l'énergie à revendre aux deux combinaisons possibles. Extermination de foule, trop d'MC que je défouraille. Il est l'heure de reprendre ma mission impossible. Je débarque dans les parcs et puis je n'ai pas que des blagues, aussi des attaques fatales et des frappes qui déboîtent. Des boîtes à idées remplies de fatalité, des sons de qualité, une putain de mentalité. Je débite sur le beat comme un pilote qui dérape sur l'asphalte et je dépasse l'MC au top du rap. Petit tour de passe-passe, je place quelques phrases classe. Je glisse sur la basse et puis sur ta face. Observe la différence entre tes morceaux et les miens. Je veux tout dévorer, je me fous des boulets par et des miettes. Toi tes potes et ta clique, je vous réduis en morceaux. Allez viens, je vous extermine, vous détruis, vous écrasez, vous émiettes. C'est un truc de dingue, écoute le rap des mains d'un samouraï. Je coupe le son avec mon sabre quand j'écoute ce qu'ils émettent. Je suis un flac chargé, un bloc à force, les descendre ça m'enraye. Pour qu'ils arrêtent de jouir, je leur pète tous les doigts qu'ils se mettent. Jusque raconter de la merde, mec, Max ça les égaye. Le rap français continuera de subir les séquelles. Je suis un survivant à 6 mètres ici, mon surnom c'est Ken. Je suis dangereux quand même si tu le vois pas à ma dégaine. Je manie les mots et c'est ainsi que je soigne mes mots. Ceux-ci sont mes armes, rimes sont les gaines que je dégaine. Je suis un fou à y rallier aux affiliés du démon. J'offre une part de mon âme au diable dès que je gagne. Oh boy, ta critique, ses sons aigus, ses sons graves. L'échec, l'oubli, les critiques sont les dangers que je brave. Oh yeah, je m'offre à toi. Si j'en fais trop, ce n'est pas grave. Toutes les instrus que je fracasse sont réservées pour les braves. Tu m'ennuies trop quand tu rates. T'as peu de choses à dire et ça s'entend comme dit Don Joe. Les MC parlent tous de la même chose. La même façon, ainsi petit, voici ta sentence. Avoue au monde que tu rêves de marcher dans mes vieilles shoes. J'suis parti de rien, j'rappe sans avoir touché le moindre flingue. J'ai jamais vendu le moindre gramme, j'ai jamais joué le dingue. Ce qu'on appelle un paradoxe, c'est la scène et un ring de boxe. Des beats que j'bosse, des boss que j'lis, j'rappe sur beatbox et je débite. Compétitif à mort, j'aime la violence dans un combat trip. Ce combat trip n'ont pas leur place. Qui pensent que nous blaguons? Des verres imprégnés d'essence, mélangés dans un baril. J'lance le tout écrit si fort que j'crache des flammes comme un dragon. Et tu pars en fumée, je te fumais, j'enculé fumé. Qui ose penser pouvoir défier ma plume ou me plumer? Si tu m'enlèves rien de ce que je mérite, les vents m'en souffrent en rhume. Entre la torne, un démon sabre, t'es entre le marteau et l'enclume. J'ai pas l'état d'un porte-parole, donc je soulève mon dictionnaire. Et je muse mon cerveau à fond, le poids des mots et des normes. Je suis pas modéré, non, je fais dans le sens ascensionnel. Mes rimes croient plus de puissance vocale qu'à tes normes. Si t'étais fort, tu me niquerais, mais ça reste conditionnel. Et ça le restera pour toujours, même si t'oses me défier, t'es mort. Si t'essayes de m'enculer, je te baise en missionnaire. Si ta ceinture est noire dans le rabbin, la mienne est en or. Et ta critique, ses sons aigus, ses sons graves. L'échec, l'oubli, les critiques sont les dangers que je brave. Je m'offre à toi, si j'en fais trop, ce n'est pas grave. Toutes les instrus que je fracasse sont réservés pour les braves. On a trouvé des MC morts avec un cadeau sous leur corps. Ce texte que t'écoutes, signé Super Mugen et un smiley. J'emmerde les majors, je veux pas de couteau sous la gorge. Je fais des sons avec ma smile et je t'emmerde, laisse-moi aller. Électron libre en mouvement au sein de la scène hip-hop. Ils flanchent si vite sous l'impact des sons que j'assène. Ils pensent être à la hauteur du maître, mais je vais leur mettre si profond qu'ils puisseront de l'encre par l'urètre. Violent, mes secousses sont sismiques, comme si cynique et insolent. Au moment de t'écraser, je mets pas le moindre coup de volant. Je suis un sale aussi seul, ton rap sale est saoulant. Yeah, Mugen, 6 coups de sabre 2. Un disque produit, composé, mixé, écrit, interprété, arrangé, gravé, converti, mis sur le R, arrangé, partagé, publicité, design, imaginaire, compliqué. Par Mugen.